trafic comme une galère et le Tchekar te saoule. Pompe sous le lit sans son bannière, bicarbonate de soude. Et ça commence et ça commande dès que ça s'est piloté. Des meufs traficotées, tout Paname dissolve des cristaux de C. Et t'es sans kill et ici un été cuisant. C'est épuisant, voir la vie en poussette avec la mort sur un GP800. Arme-toi pour l'hiver, car c'est la folie merde. Calibre 12, Mossberg 500 et gros sans polymère. Histoire de chrome sur le terrain, des beaux parleurs, des gros parieurs, des poches ton 16 dans. Tu penses qu'à trastiquer, y'a rien de magique, c'est tragique mais c'est trafic. Et parfois le CG plastiqué, les types n'ont pas d'âme. Mais c'est banal car c'est pas un âme, y'a cœur glacé sous les pare-balles. Et ça passe de yépi, de valise à paro, de fumée à carreau. Torx, lunettes noires et chemise à carreaux. Qui fume et qui croire, chicon à la question, suis-je des bons, j'ai vu rigoler le miroir. Y'a des cryptés dans les tiroirs, paupières esquintées, vite teintées, formule de C dans les grimoires. Qui fume et qui croire, à la question, suis-je des bons, j'ai vu rigoler le miroir. Y'a des cryptés dans les tiroirs, paupières esquintées, vite teintées, formule de C dans les grimoires. Tu parles d'eux, mais tu connais pas ces hommes. Dans les halls ça résonne, à chaque saison ça s'assaisonne. Ici trop de cassos qui ne sauraient que faire de ruse. Et ton putain la sauce ne voit l'avenir qu'avec une bête de russe. On prend des joints, bas de gamme tombé du camion. Tu cherches la crainte et le respect, elle se trouve au bout du canon. Qui fume et qui croit, y'a des cryptés dans les tiroirs. À la question, suis-je des bons, j'ai vu rigoler le miroir. Entre les têtes et les relous, on a grandi près des remous. On s'entend mieux penser qu'à là sur les genoux. Et merde, suis-je maudit? Suis-je mauvais, c'est bon le dire. Rafale des mers en roue arrière depuis le pont levis. Les petits sabis craves de la rue en secrète jusqu'au lycée. Atromisé, Glock 19 à la customisée. Et bien sûr, ça veut des comptes à plus de 6-0. Petit frère, squat sur l'avenue 6-0. Qui fume et qui croire, chicon à la question, suis-je des bons, j'ai vu rigoler le miroir. Y'a des cryptés dans les tiroirs, paupières esquintées, vite teintées, formule de C dans les grimoires. Qui fume et qui croire, chicon à la question, suis-je des bons, j'ai vu rigoler le miroir. Y'a des cryptés dans les tiroirs, paupières esquintées, vite teintées, formule de C dans les grimoires. Qui fume et qui croire, chicon à la question, suis-je des bons, j'ai vu rigoler le miroir. Y'a des cryptés dans les tiroirs, paupières esquintées, vite teintées, formule de C dans les grimoires. Qui fume et qui croire, chicon à la question, suis-je des bons, j'ai vu rigoler le miroir. Y'a des cryptés dans les tiroirs, paupières esquintées, vite teintées, formule de C dans les grimoires.